Tu es peut-être en bénédiction matérielle, mais il y aura un besoin que tu auras. Tu vas crier, Dieu ne va pas répondre, tout simplement parce que tu n'étais pas intéressé aux pauvres. Donc, voici la situation, mon cher frère. Sème dans la vie des pauvres, tu as semé dans la voie de Dieu. Et quand Dieu va vouloir, selon le bon plaisir de sa volonté, il va investir aussi dans ta vie parce que Dieu ne peut pas devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Il va toujours s'atteler à accomplir sa volonté dans notre vie. Donc, si nous donnons à un pauvre, nous prêtons comme ça à l'Éternel qui va nous rendre, qui va nous remettre cela, il va nous rendre cela. Alléluia. Alors, chapitre 28. Chapitre 28 de ce même livre, là, le verset 27. Donc, je vous ai retenu pour longtemps. Prenons le chapitre 28. Vous y êtes bien aimé dans le monde entier. Proverbe chapitre 28, le verset 28. Prenons le chapitre 28, le verset 27. Alléluia. Verset 27. Écoutez bien. Il dit, celui qui donne aux pauvres ne trouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions. C'est terrible. Donc, la façon de Dieu pour s'aimer devant Dieu, c'est pas les pauvres. Parce que, pas maintenant, vous voyez pourquoi il n'y avait pas de problème de richesse. Voici dans la révélation, mes chers amis, voici pourquoi il n'y avait pas d'indigents au milieu des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils vendaient tout ce qu'ils possédaient et ils venaient des personnes plus des apôtres et ils faisaient le partage selon le besoin de chacun. Ce qui fait que les gens n'avaient pas de problème de nourriture. Les gens n'avaient pas de problème de l'argent ainsi de suite. Vous voyez, il n'y a pas de problème de gain intestinal à l'intérieur par rapport à la nourriture. Fait que tel est ainsi de suite. Quand les gens marchent dans la liberté du Saint-Esprit, les gens comprennent qu'il n'y a pas de pas l'indigent au milieu de nous. Les gens qui avaient des champs vendus, on venait déposer au pied des apôtres. Vous comprenez pourquoi Dieu a dû frapper Ananias et Saphira? Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu, ils ont retenu, parce que cette semence-là de la cupidité devait entrer, les gens devaient commencer à retenir le bien pour eux, comme aujourd'hui on fait. Il y a les Ananias et Saphira modernes qui disent que le bien qui m'appartient en propre. Nous sommes en crise, mais il faut quand même les limiter par rapport à certaines choses. Ici, chapitre 28, verset 27 dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donc, chacune des fois, et la malédiction conduit directement à la mort spirituelle, à l'aspiration de l'éternel. Voilà pourquoi vous allez voir dans Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46, il va dire que, au bout, il va dire, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses démons, et pour ses anges. Il va dire, quand j'ai eu faim, on n'a pas besoin à manger, j'avais soif. Ils vont dire que quand avant nous avons fait toutes ces choses-là, il dit qu'à chaque fois qu'on n'a pas fait ces choses à ces gens, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Vous voyez ça, frère? Donc, la Bible déclare ici que celui qui ferme les yeux est chargé des malédictions. Donc, tu peux passer outre. Tu peux vivre dans la vie des luxures et tu laisses les gens souffrir. Il n'y a pas de problème. Tu ne diras jamais devant Dieu que tu ne connais pas. Tu ne diras jamais devant Dieu. À l'instant où tu as écouté ce message-ci, tu n'as plus d'excuses devant le Dieu des armées. Tu n'as plus d'excuses devant le Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous montrer la façon de s'aimer rapidement là. Un autre volant va venir vêtement pour suivre les dons de libéralité. Je vais vous montrer maintenant qu'on est de s'aimer dans les ministères, les doctrines de prospérité, s'aimer de la façon que la Bible enseigne. S'aimer parmi les frères. S'aimer parmi les frères. Vous avez dans les assemblées, les gens prennent des sommes d'argent pour les donner aux prédicateurs parce qu'ils croient qu'on va mettre une huile sur eux pour les ONU d'une onction spéciale. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de suivre les gens. Il est ordonné à la bénédiction de rester suivre. Il n'a pas dit qu'il va passer par un prédicateur pour prêcher la bénédiction, jamais. Dieu ordonne la bénédiction sans demander à quiconque. Amen. Proverbe chapitre 22. Enfin, prenons Proverbe chapitre 22. Prenons chapitre 22. Proverbe chapitre 22, le verset 9. Alléluia. Regardez la partie du verset 7 d'abord. Il dit, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la veille des assureurs disparaît. Maintenant, verset 9, écoutez. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas le regard au terrain, c'est quelqu'un qui ne regarde pas les gens par-dessus, qui n'est pas riche, qui regarde les gens comme si les gens sont des parvenus, ainsi de suite. Vous voyez? Il dit pourquoi? Parce qu'il donne son pain aux pauvres. Il sera béni parce qu'il donne son pain aux pauvres. Bien aimé dans le monde entier. Si vous avez des pauvres à parmi vous, priez aux alentours de vous demander, Seigneur, souvenez-vous de Luc chapitre 12, verset 13 à 34, qu'on a lu aujourd'hui. Il a dit que toute personne qui n'est pas riche pour Dieu, être riche pour Dieu, c'est s'aimer comme ça. Être riche pour Dieu, c'est s'aimer pour l'avancement de l'évangile. Pour l'avancement de l'évangile. S'aimer pour que les gens puissent écouter. Si vous parvenez à amener quelqu'un de son statut de pauvre à ce que la personne ne manque plus de rien, vous avez de la grâce devant le Seigneur. C'est une grâce aussi. Donc, on est de donner 5 francs à quelqu'un, donner la façon que la personne puisse avoir à pouvoir s'en charger lui-même. Vous voyez, si vous êtes en relation, donnez votre relation quelque part afin qu'on puisse mettre quelqu'un qui n'a pas de travail. Il y a des bien-aimés dans le monde entier qui ont des capacités de travailler. Il y a des gens qui ont des relations qui peuvent avoir dans l'entreprise. Vous vous souvenez, lisez le livre de Philémon, vous allez voir comment l'apôtre Paul écrit à Philémon en disant qu'il faut qu'il ait cet avantage dans le Seigneur là pour Onésime. Vous voyez, cet avantage-là, je te le recommande, vous voyez, pour qu'il y ait cet avantage. En Christ, si vous avez un Christ, vous avez une relation qui peut produire du travail à un frère, donnez cette relation pour que le frère sorte de cette chose-là. Et quand Dieu va utiliser ce moyen-là, ce frère-là, même si tu insultes plus tard, la bénédiction de Dieu est sur toi. Alléluia. Donc mes chers sœurs, mes chers frères, le monde entier, la façon de s'aimer, trouvons. Dans Hébreux chapitre 13, verset 1 à 3, la Bible déclare que souvenez-vous des prisonniers comme vous êtes vous-même prisonniers. Vous voyez cela? Des malades et des prisonniers. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 3. Amen. Donc bien aimé, faites vraiment attention. Dans Jacques chapitre 1, verset 27, il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et à s'abstenir des souillures du monde. Voilà ce que Dieu nous enseigne. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a une façon de semer pour Dieu pour être béni. Maintenant, prenons le dernier verset dans Galates chapitre 6. On va venir en profondeur sur ce sujet de la semence. Souvenez-vous, il y a véritablement un principe de semence dans Luc chapitre 6, verset 32 qui dit on vous mesurera selon la mesure que vous voulez, vous serez servi. Il y a 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 9, ainsi de suite par rapport aux semences. Oui, on va semer, on va parler de cela. Donc, des offrandes et de la semence ici, là, sur les antennes de Jésus-Christ Télévision. Donc, prenons le dernier passage de Galates chapitre 6. Regardons à partir du verset 6, il dit clairement que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Autrement dit, partage. C'est bien. Vous pouvez lire également ça dans Luc au chapitre 8, verset 1 à 3, où la Bible déclare que plusieurs femmes assistaient Jésus de leurs biens, parce que Jésus passait le temps dans la prédication, ils assistaient Jésus de leurs biens. Donc, du verset 1 à 3. Vous pouvez également lire Romains chapitre 15, verset 23 à 28. Donc, regardez bien. Il dit, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est clair. Verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans ce développement, on va parler de la semence. On va voir comment est-ce qu'on sème pour la chair. C'est l'orgueil de la vie. On sème pour soi-même vivant ici, mangeant et mourant. Car demain, nous mourrons. Et c'est même pour la vie éternelle. C'est quoi? C'est même pour la vie éternelle. Maintenant, le Seigneur qui dit, c'est là où je voulais y aller. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on veut. Vous avez vu? Aujourd'hui, j'ai parlé de Daniel chapitre 2, verset 21 et 22, et de Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Il dit que le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Dans un petit chapitre du Seigneur, on dit il vous élèvera, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera autant convenable. Autant convenable. Donc, il dit, et nous passerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, bien aimé, peut-être que tu as fait le bien dans le monde entier, tu as élevé les enfants, on t'a rejeté, les enfants ont grandi, ils t'ont persécuté. La Bible déclare que c'est de la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, on redit, on silence tous ceux qui font de telles choses. Amen. Maintenant, verset 10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Donc, ce n'est pas seulement au milieu des chrétiens, et surtout envers les frères. En la foi, surtout envers les frères en la foi. Dans Tite chapitre 3, verset 14, il m'a dit qu'il faut que ceux qui ont cru pratiquent, s'attendent à pratiquer au bon Dieu, parce que c'est ça qui est utile et pour notre foi. Et dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 5 à 7, il parle de l'excitation au bon Dieu. Alléluia, il faut que les nôtres aussi apprennent à le faire. Donc, bien aimé, dans le monde entier, le moyen de Dieu de bénir, comme on a vu ici, c'est en donnant. Et la Bible est claire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc comprenez maintenant que si Dieu vous a béni par quoi que ce soit comme matériel sur cette terre-ci, ce n'est pas pour toi. Quel que soit le don que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour toi. Lisez le Romains chapitre 12 à partir du verset 6, il dit que celui qui donne, qui a le don de liberté, le fasse avec joie. Donc la libéralité, c'est-à-dire que l'attitude de donner sans être contraint. Vous voyez, de semer dans les vies des personnes sans être poussé, sans être matraqué par des prédications de l'évangile de prospérité à semer. Donc Dieu veut que nous mettons nos dons au service les uns les autres. Si tu es riche, si Dieu t'a appelé en tant que prédicateur prêche, si Dieu t'a béni en tant qu'homme d'affaires, que tu es chrétien, sache que ton affaire doit être pour la gloire du Seigneur. Vous voyez, vous pouvez inviter les ministres de l'évangile pour prêcher partout, soutenir l'œuvre des ministériels. Voilà Jésus-Christ Télévision. J'imagine combien le frère Georges souffre. Et j'imagine combien cette chaîne de télévision a béni beaucoup de personnes. J'imagine combien ça se passe. Et je ne sais pas quelles sont les préoccupations que le frère Georges a. Mais je me tiens maintenant sur cette antenne sans savoir quelles sont ses préoccupations en disant que vous pouvez s'aimer sur les chaînes. Souvenez-vous, je vous ai dit au départ que si vous prenez le cas de sur le ciment, ça ne procédera pas. Vous êtes, il y a la bonne terre à semer. L'une des bonnes terres, donc, ce sont les pauvres, les aveugles, les veuves, les malades, les soupiers, ainsi de suite. Il faut semer. Et la Bible dit qu'il faut semer pour la vie éternelle, pour l'esprit. Donc, si vous voyez même qu'on a fait l'œuvre de l'esprit, semer sur cette chaîne-ci afin qu'on puisse propager l'œuvre de l'évangile. S'il y a des appareils performants comme le réseau de l'enseignement qui peuvent être encore incrustés dans cette marche afin que la trompette puisse être vraiment illuminée, illuminante et illuminée, alors bien évidemment dans le monde entier s'aimer. Vous avez la télévision femme de Dieu, vous avez toutes les trompettes partout dans le monde entier qui prêchent l'évangile. C'est qui prêche l'évangile pur et qui vous a béni. Alors bien évidemment s'aimer pour l'évangile, s'aimer pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, mais ne s'aimer pas dans cette façon qu'on nous a toujours attaqué. En venant donner à l'homme de Dieu, non, ne faites pas de telles choses. Donc, bien aimé, dans le monde entier, yes. Merci de nous avoir écouté durant ces presque 3h38 minutes. J'ai vraiment entre les mains du Seigneur. Et en bref résumé, si vous pouvez reconnaître que Dieu vous a parlé ce soir, souvenez-vous de ceci, la doctrine de prospérité vient du profondeur de l'acte du feu. Satan a initié cette doctrine pour détourner les gens de lui, du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a envoyé pour venir prêcher contre toute doctrine qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous atteler à parler de ces choses-là sur ces antennes. N'en plaise à ces prédicateurs, ces doctrines de prospérité. S'ils disent qu'on ne veut pas être riche, la Bible déclare dans le Hébreu que tous ces gens-là à qui Dieu avait donné les promesses n'ont pas obtenu. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le bien le meilleur. Alléluia. Celle de la cité dont Dieu est l'architecte. Donc, si nous n'obtenions pas n'importe quoi ici, le plus important a été obtenu. Le salut de nos âmes a été déjà obtenu et acquis une fois pour toutes. Et ça, Satan ne peut absolument rien faire contre cela. Donc, bien aimé, dans le monde entier, je vous recommande entre la main de la grâce puissante et la main de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'il vous comble par ce message, je prie qu'il vous délivre. Et je prie par-dessus toute chose que toute personne qui a bouffé vos offrandes et vos dîmes dans les dénominations que vous avez semé sur la mauvaise terre, demandez seulement pardon à Dieu et priez pour la personne et désormais commencez à semer pour la gloire de Dieu et pour l'évangile. Soyez riches en libéralité. Soyez riches en libéralité. Si vous avez, je recommence encore, vous les femmes, vous les hommes, partout où vous êtes, vous avez des centaines de paires de chaussures, parce qu'il y a des gens qui ont des armoires avec des chaussures, des habits. Commencez à rechercher les gens, vous détenez ainsi les bénédictions des gens. Ça va être vraiment la chose qui va vous produire la malédiction chez vous. Sortez maintenant. Je vais vous donner mon témoignage. Chaque fois que je remarque très bien que mes prières ne sont pas exaucées, ce que je fais avec ma femme, c'est que je vais dans la chambre, on prie, on demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Mon épouse et moi, nous regardons si nous avons des chaussures, des habits qui sont en plus. Alors, nous commençons à regarder, nous sortons tous de notre maison pour chercher. Seigneur, envoie-nous les frères, les soeurs qui sont dans le besoin. Et vous voyez, une soeur vient, on lui donne le sac. La soeur témoigne que je n'avais pas le sac. Et j'avais prié à Dieu que Dieu m'a donné le sac. Voilà le sac que Dieu m'a donné. Les frères qui n'avaient pas des habits, Dieu nous conduit vers les frères pour donner. Donc, on n'emmagasinait pas des habits, des vestes pour changer, des vestes et pardon, des chemises et chères. Se met pour la gloire de Dieu. Vous allez voir qu'en faisant comme ça, vous allez sentir la liberté comme 1 Jean chapitre 3 l'a dit, que si nous avons de l'assurance dans notre cœur, nous ne serons pas coupables devant le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé dans le monde entier, merci de nous avoir écouté durant ces 3h40 minutes pratiquement de l'émission. Je vous laisse dans la suite du programme et je vous recommande entre la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Georges, y a-t-il encore quelque chose à ajouter? Ces choses que tu enseignes, vraiment, nous rendons grâce à Dieu de comment Dieu en profondeur nous a amenés dans les Écritures. Je suis vraiment dans la joie, bien-aimé frère Junior. Il n'y a pas de mots, pour exprimer vraiment. Je suis tout tressaillant de joie, vraiment, il n'y a pas de mots. Et nous travaillons à l'œuvre. Et je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, toi et moi. Nous ne sommes pas concertés par rapport aux problèmes, aux difficultés que nous pouvons avoir par rapport à cette œuvre. Nous avons renoncé à nous-mêmes, nous avons renoncé à tout pour que cet évangile soit porté. Et je suis tellement béni que tu appelles les chrétiens à revivifier leur amour. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement en parole, mais en acte. Et ne soyons pas ceux pour qui cette prophétie a été donnée. À savoir que dans les derniers temps, la charité d'un grand nombre de personnes se refroidira. Je ne dis pas ça pour Jésus-Christ sauvé. Je dis ça pour tout un chacun et les libéralités et les offrandes doivent être inspirées par le Saint-Esprit. Ne faites pas ça de manière émotionnelle. Ne faites pas ça parce que Junior vient de parler. S'il vous plaît. Sinon, nous ne voulons pas recevoir les malédictions des gens. Que ce soit quelque chose que vraiment le Seigneur a touché votre cœur. Travaillons vraiment pour ces choses. Et j'étais tellement béni par rapport au témoin, ton témoin dans les grâces. Comment vous entrez dans votre chambre pour voir s'il y a des supplices pour bénir les frères et sœurs. Ça m'a vraiment touché, Junior. Et nous devons, disons, arriver à ce standard. Il y a la sœur Sophia du côté de Belgique, Niamey, qui veut poser une question. Je ne sais pas, je te repasse la parole pendant qu'elle écrit sa question ou alors elle veut se connecter. Et en même temps que tu passes la parole, je ne sais pas quel est ton procès d'enseignement et quel est ton jour de disponibilité. Donc, selon que Dieu le veut, je remercie le Seigneur, Dieu des gloires, qui a non seulement pourvu à ce que l'enseignement soit bon aujourd'hui, le net, la connexion et la coupure d'électricité. Donc, frère Georges, il y a tellement de partages. Souvenons-nous que sur Jésus-Christ Télévision, on a parlé de la Sainte Seine. En pratique, là, on n'a pas enseigné. Donc, on va parler de la Sainte Seine, on va parler de la Sainte Seine. Prochain enseignement qu'on va parler, on va parler de la Sainte Seine. Et on va voir comment le Seigneur va nous conduire dans les enseignements. Et j'ai pris aussi que les soeurs et les frères dans le monde entier puissent proposer les thèmes ici, les enseignements qu'ils voudraient qu'on enseigne. Donc, selon leurs besoins, parce qu'il y a tellement de doctrines qui, je le dis, qui dérangent les gens, en donnant des propositions d'enseignement, on peut venir, on partage. Voilà pourquoi j'invite tout le monde de venir poser des questions. Si on vient à l'antenne, on peut faire une séance comme ça où les gens posent des questions. Si on a des sujets, des questions, on pose des questions et puis on répond comme ça. Mais que tout se passe avec ordre, mais qu'il y ait un thème dès le départ. Donc, frère Jean, le prochain enseignement, je vais parler en profondeur sur la Sainte Seine. Comme les gens, les frères et sœurs dans le monde entier ont vu la Sainte, parce que c'est une doctrine claire qui est dans la Bible, mais qui est troublée. Comme toutes les autres doctrines de la Bible, je vais parler de cela. Et en attendant que le Seigneur inspire encore d'autres enseignements, bien aimé. Donc, j'attends la question de la sœur, mais la sœur qui me pose. La sœur Sophia du côté de. Du côté de Belgique, a cette question. Il y a des sans-abri et toxicomanes, comme on les appelle. Voilà, il y a des sans-abri et toxicomanes, comme on les appelle. Au fond, qui font la manche, c'est-à-dire qui sont dans les coins des rues à demander l'argent plus souvent, c'est pour acheter de l'alcool et de la drogue. Doit-on leur donner quand ils demandent? Voilà la question de la sœur. Bonne question, voilà une bonne question. Vous voyez, je ne sais pas, à l'instant où tu as remis un traité, la Bible à quelqu'un, ce n'est pas ton problème de savoir ce que la personne va en faire. Mais ce que je vais conseiller à cette sœur et à toute autre sœur, je sais que dans les pays froids et autres, là, en Europe, là-bas, les gens prennent pour aller faire des drogues, pour se piquer le corps et autres là-bas. Maintenant, j'ai déjà enseigné ça ici au Cameroun et j'ai dit aux gens, et les gens ont mis cela en pratique et ça marche. Le chrétien n'est pas libre de lui-même. Le chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, c'est ce que la Bible nous déclare. Maintenant, écoutant ce message aujourd'hui, si vous voulez s'aimer vraiment selon Dieu, d'abord assimiler ce message, c'est que ta prenne vie en vous, que ça soit comme une partie de vous-même, parce que c'est la doctrine de l'Église. Maintenant, reposez-vous d'abord à genoux. Priez Dieu de mettre au devant de vous toute personne qui est de lui véritablement. Souvenez-vous, le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur. Nous avons cette joie, cette paix intérieure lorsque nous faisons quelque chose qui est de lui. Il nous parle, l'homme intérieur est en paix. Donc, si prenons un exemple. Si cette personne soit en passant dans les rues, si elle comprend très bien qu'elle peut rencontrer les gens pour faire le monde, il y a tellement de gens, il y a des gens qui rentrent dans le qui sort du monde des ténèbres, que s'ils donnent les offrandes là-bas, ils vont se créer même des problèmes avec ces mêmes offrandes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après que la communion avec le Seigneur soit vraiment au bon fixe, si tu pries, et je conseille à tout le monde de le faire, c'est ce que j'ai fait ici, les gens me mettent en pratique, ça marche. Priez Dieu en disant, Père, je ne sais pas qui a besoin de moi, mais tu sais qui a besoin de moi. J'ai telle chose et je veux donner à quelqu'un. S'il te plaît, mets au-dessus sur mon chemin ceux qui a besoin de cela. Mais bloque toute personne que Satan pourra utiliser pour venir vers moi détourner de cette mission. Quand nous prions, croyons que Dieu nous a exaucés. Et bien aimé frère dans le monde entier, bien aimé frère, particulièrement celle qui a posé la question. À l'instant où tu rencontres quelqu'un, si le Saint-Esprit te parle dans ton cœur, si la personne que tu as rencontrée dans ton cœur est à la paix, donne à la personne sans t'enquérir de quoi que ce soit. L'acte d'amour que nous posons, nous pouvons croire que si lui donne ça, il va aller faire de la drogue. C'est l'acte d'amour qui dit, madame, pourquoi vous êtes gentil comme ça? Et elle accepte Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas mettre les barrières. Prions seulement que le Saint-Esprit nous conduise afin que nous soyons dans cette unité de la libéralité. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, c'est quelque chose de tellement fondamental. Et à ce que le frère Junior vient de dire, c'est nous devons. La Bible dit ce qui n'est pas le fruit d'une pleine conviction est péché. C'est-à-dire que si on a même le doute, parce qu'une pleine conviction, c'est une conviction à 100%. C'est-à-dire que si on est convaincu à 99,99% et on est On a le doute à 0,00000001. Ce n'est pas la pleine conviction, c'est un péché. Donc la conviction doit être à 100%. Donc, frère, je ne sais pas s'il y a quelque chose encore à ajouter. Et le retour que j'ai, c'est que les chrétiens sont tellement bénis par cet enseignement. Les écailles tombent des cieux. Et je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Et sinon, on va se séparer. Voilà, il n'y a plus de questions. Voilà, je vais voir le retour de Sophia. Voilà, elle dit merci, Junior. Voilà, donc, il n'y a plus rien. Tout simplement, je vais te passer la parole pour lever un mot de prière. Et voilà, donc, et voilà, avant cela, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient de... Attends un instant. Voilà, voilà, donc, il y a les témoins. C'est plutôt des témoignages vraiment de joie. Voilà, vraiment le témoignage d'action de grâce par rapport à cette parole que nous venons de recevoir. Donc il y a aussi un témoignage du côté d'une sœur qui dit ceci: je témoigne que je fais cette prière et le Seigneur m'a mis une sœur sur mon chemin pour lui donner l'argent pour payer son loyer, voilà, car elle avait prié pour ça. Donc je donne tout simplement le témoignage. Dans ce cas-là, je ne vais pas citer le nom parce que la gloire doit aller à Dieu. Donc, mais voilà une sœur qui témoigne qu'elle a aidé une sœur pour son loyer. Donc voilà, c'est vraiment merveilleux. Il y a des témoignages qui puissent. C'est des témoignages qui puissent. Et vraiment, ne soyons pas ceux pour qui cette prophétie a été donnée, à savoir la charité d'un grand nombre se refroidira dans les fins de temps. Maintenant, faisons tout et tout pour ne pas faire partie de cette prophétie. Et nous vivons dans un où les gens, vraiment, c'est l'amour avec shalom, shalom mon frère, va dans la paix, shalom. Et d'ailleurs, il y a tellement de shalom hypocrites, shalom hypocrite. Nous devons vraiment aimer en sincérité avec des œuvres. Et voilà, donc, je pense que c'en est fait pour aujourd'hui. Je te passe tout simplement la parole, Junior, pour terminer avec un mot de prière. Amen, amen. Donc, bien-aimés dans le monde entier, vous tous qui avez écouté cet enseignement et tous ceux qui vont écouter en rediffusion ou sur quelque support que ce soit, le Seigneur a parlé, son écriture est claire. Nous avons vu au travers de l'écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous a touché. Le Saint-Esprit nous a fait marcher dans la parole pour montrer clairement que la doctrine de la prospérité n'est pas de lui. C'est une démarche pour pouvoir concentrer les gens sur les choses de la terre. Et Dieu nous a enseigné ce soir qu'il n'y a pas de gloire futuriste sans la croix au préalable sur cette terre. Et Jésus nous a dit que si on aime le monde, l'amour de Père n'est point en nous. Et il a dit clairement que le monde aimerait ce qui est à lui. Donc si nous commençons à faire comme le monde, le Samaritain comme le monde, l'amour du Père n'est pas en nous et nous a excité à la charité. Donc je vous recommande, Père, au nom de Jésus, maintenant que nous allons nous séparer maintenant en chair, Père de gloire, durant cette émission, maintenant en esprit, je prie au Dieu de gloire pour tous ceux qui sont en train d'écouter cette émission. Je prie au Dieu de gloire pour tes serviteurs que tu utilises, pour toutes les trompettes. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux qui étaient tombés dans le piège du diable, dans cette pièce du diable, dans la doctrine de prospérité. Je prie au Dieu de gloire que tu révèles par ta lumière maintenant, que tu révèles l'esprit comme tu avais réveillé celui de Jérobabel afin qu'il revienne à la vérité. Oui, Seigneur, que tous les genoux qui fléchissaient dans cette voie-là, Seigneur, se redressent et se fortifient dans la voie de la souffrance et l'humilité de Christ. Je prie au Dieu de gloire pour tous les serviteurs qui sont tombés en se tournant vers ces voies. Je prie pour tous ceux de tes enfants qui sont dans ces brigades de formation de fous où les gens les entraînent dans la prédiction, dans cette doctrine de prospérité. Donne-leur au Dieu de gloire de se concentrer sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donne-leur de comprendre au Dieu de gloire que Christ est notre richesse, que notre richesse est cachée avec lui là-bas en haut. Et nous sommes déjà bénis spirituellement dans toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je prie que tu parles au cœur de tes enfants. Je prie que tu bénis tes enfants avec ce message. Je prie au Dieu de gloire pour tous les frères dans le monde entier, pour tous les sœurs qui vont suivre ce message en rediffusion. Je prie pour tout le monde. Je te recommande cette chaîne Jésus-Christ Télévision. Je te recommande le frère Joseph Fanou. Je te recommande au Dieu de gloire toute personne qui va être libérale maintenant et se mettre pour ta gloire. Je te recommande au Dieu de gloire de révéler à quelqu'un un peu de gloire les voisins, tous ceux qui ont besoin, ceux qui ont besoin des remèdes, ceux qui ont besoin des loyers, comme l'autre s'est témoigné, tous ceux qui ont besoin en quelque lieu que ce soit. Je prie au Dieu de gloire que tu commences à parler à tes enfants. Par-dessus toutes ces choses, au Dieu de gloire, je prie que les gens vivent loin de celui de ce monde et qui vivent dans la sainteté pour se connecter davantage à toi. Je prie que tu te révèles à tous les chrétiens, au Dieu de gloire, qui te cherchent avec sincérité de cœur. Je prie au Dieu de gloire qui se remettent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, que tu sois le Seigneur et le Sauveur uniquement. Je prie, Père de gloire, et nous nous recommandons entre tes mains afin que toi tu le diriges, tu diriges Jésus-Christ Télévision. Je prie pour tous les prédicateurs, pour tous les frères qui vont enseigner, pour tous les sujets d'enseignement, que toi-même tu prends le contrôle des enseignements et que ton esprit nous conduise dans la vérité. Je te recommande toute cette nuit-ci, quel lieu que les frères et sœurs se trouvent dans le monde entier maintenant, je prie pour chacun. Pour tous ceux qui passent par des moments de tribulation, par des moments de difficulté, Seigneur, tu as dit, quand je traverserai la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Je prie au Dieu que tu les rassures de ta présence, que tu les rassures au Dieu de gloire, que tu les fortifies leur esprit afin qu'ils ne défaillent pas au milieu de la tribulation et des persécutions. Pour les soeurs et les frères qui passent par les tribulations dans le monde entier, Père, nous levons un mot de prière pour afin que tu aies soin de les garder, Père de gloire, dans les tentations et dans les ruines de ce monde. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc voilà, frères et sœurs, c'est tout ce que nous avions pour aujourd'hui. Donc voilà, je rappelle tout simplement avant de conclure ce que nous avons demain comme au programme. Et par la grâce de Dieu, le frère Junior viendra la semaine. Il me donnera un temps qui lui convient par rapport au sujet du jeûne. Il y a aussi j'ai dit jeûne, c'est pas un lapsus, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur aussi voudrait que nous comprenions comment jeûner. Il y a des questions par rapport au jeûne et je pense que c'est un sujet aussi qu'il va proposer au frère Junior. Mais la prochaine fois, ce sera sur ce qu'on appelle communément la Sainte Seine. Mais demain, comme je l'ai annoncé, nous avons donc, j'ai entendu le frère Junior tout à l'heure dire onction. C'est un mot qui est vraiment mal interprété aujourd'hui, mal interprété. Donc demain, quand nous reviendrons, nous allons voir ce sujet, le mot onction, qui est une arme malheureusement que les faux pasteurs, les faux docteurs utilisent pour voler, escroquer le peuple de Dieu, pour les ruiner, pour dominer sur eux, les intimider. Donc ce sera le sujet de demain. C'est un sujet que j'avais préparé pour aujourd'hui, au cas où le bien-aimé frère Junior ne devait pas être disponible. Donc demain, plaise à Dieu, si Jésus-Christ ne revient pas entre-temps, et si Dieu nous conserve le souffle de vie, nous aurons ce sujet demain. Et je termine aussi par ce grand sujet. Et je reçois beaucoup de feedback à travers le monde. Beaucoup de personnes sont en train d'attendre cette émission sur Kirk Franklin Samedi. Il y a beaucoup de personnes qui attendent cette émission. Les gens n'en croient pas les oreilles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vraiment, c'est incroyable ce que tu es en train d'annoncer. Effectivement, cet homme, nous le laisserons parler samedi, plaise à Dieu, à partir de 19h, heure de France, samedi, donc après-demain, nous le laisserons parler. Il a un agenda de répandre l'homosexualité dans l'Église. Et regardez comment l'homosexualité a contaminé le monde entier. Et non seulement c'est l'agenda de l'homosexualité dans l'Église derrière lequel cet homme se trouve, mais il y a aussi le fait qu'il a introduit le monde dans l'Église. Le monde à l'église où on adore Dieu avec les rythmes musicaux mondains. La louange est quelque chose de tellement grand. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Et il n'y a pas quelque chose aussi grand que la louange. La louange sied à Dieu. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui où les gens introduisent, apportent un feu étranger, apportent des abominations dans la louange. Et donc, ce sera le sujet. Et mes frères, c'est vraiment dans la joie et dans la paix que nous nous séparons. Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. C'est par lui que je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin d'après-midi ou une bonne nuit tout simplement, selon votre temps, tellement les décalages horaires. Et donc, que Dieu vous bénisse et plaise à Dieu demain à la même heure. Soyez bénis mes frères et sœurs.